بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد. وفي خلاصة الدنيا درس كنا في دارا مسألة de convertir ou convertir. يعني que dire converti c'est pas haram، طبعا avec c'est haram. On dit juste que en réalité convertir c'est pas la traduction de aslama. Aslama c'est se soumettre. D'une part. Et d'autre part, le fait de dire reconverti, ces gens-là ont en tête qu'ils sont sortis de l'islam, puis ils sont revenus. Donc on leur dit, Yani, tu nous donnes une preuve qu'on sort de l'islam sans apostasier. En ce qui me concerne, je ne connais de sortie de l'islam que par l'apostasie, la ridda. Je n'en connais pas d'autres. Donc si elle m'était fait la ridda, à quel moment elle est arrivée ? Pour qu'on dise que tu étais musulman, après tu es sorti de l'islam, faudrait faire un bien, comment t'en es sorti? C'est quoi le jugement de celui qui sort de l'islam sans ridda? C'est un col que je ne connais pas en ce qui me concerne. Voilà. Donc, l'ahsan, l'insan, yaktasir ala al-alfaz al-shal'iyya. Qu'est-ce qu'on tente des termes légiférés? Par exemple, dans la même masala, t'as un terme qu'on emploie souvent, je me rappelle en France, dans d'autres pays, je sais pas, pour dire, mathalan, la femme, pour se couvrir le visage, il dit sitar. C'est marouf. En arabe, un sitar, c'est un rideau, c'est une chose qui couvre. Dans les termes shar'iyya, dans les kutubs de fiqh, il n'y a pas le mot sitar. Je ne l'ai pas vu, j'ai demandé à Cheikh Boubelel, il a dit, je ne connais pas ce terme-là pour dire couvrir le visage. Demain, tu vois un alim, tu dis, zojati, t'as le best sitar. De toute façon, il va te faire une tête. C'est quoi sitar? Je ne sais pas c'est quoi sitar. On dit hijab. Tu le hakaka, on dit hijab. Hijab, c'est un col qui est pris pour celle qui se couvre le visage ou pas. Ça s'appelle hijab. Même ça s'appelle hijab. Une femme qui se couvre le visage, il y a mutahajjiba. Après, on a le burqa et le niqab, qui eux laissent apparaître les yeux. Ça, na'am. Ils ont un nom spécial. Un niqab, qui a une base dans la religion. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le muhrima, elle a talbès le kuffaz, voilà, tatanakab. Qu'elle ne porte pas de gants, ni qu'elle ne porte de niqab. Donc c'est un vêtement qui était connu chez les Arabes, dans Sahih al-Bukhari. El burqa kazalik. Ce sont des vêtements avec des noms connus. Le fork, c'est qu'aujourd'hui, le niqab, comme a parlé Cheikh Ibn Hizam, al-nas tawassa'u fihi. Tawassa'u fihi. Ils sont trop élargis sur l'affaire, c'est-à-dire que maintenant, le niqab, il sort des normes légiférées. Il est beaucoup trop large. Normalement, on ne voit pas la peau. Ah, yeah. Normalement, on voit, c'est juste vraiment laisser transparaître un œil pour qu'elle puisse voir la femme. Certains laissent juste un trou. Ah, ouais. Le but, c'était de voir. Le but, c'était juste de voir. Donc maintenant, comme Cheikh Ibn Hizam, il dit, avec les nouveaux tissus qu'on a, elle peut recouvrir son visage entièrement et voir malgré tout. Donc il n'y a pas besoin. Mais si elle le fait, alors qu'elle le fasse comme l'ont fait les sahabiyas, c'est-à-dire, c'est juste l'œil. Et non pas on voit toute la peau, tout le pourtour de l'œil, ou le nez, ou ce genre de choses. Donc, et il fut rapporté de, je crois que c'est Ibn Sirin, qui l'a dit, Ada Mordef, Al-Niqab, Mordef, c'est-à-dire c'est une chose nouvelle, bida. Et des ulama ont dit, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en fait, on va aller comme ça, la façon dont les femmes le portent après les sahabiyat, quand ça commence à s'élargir, ça c'est une façon nouvelle. C'était pas porté comme ça avant. Ada Hukol. Al-Niqab à la base, c'est pas Mordef. C'est un vêtement qui était connu chez les Arabes. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il l'a connu aussi. Donc attention des fois aux termes qu'on dit, comme le terme de kazalik muqabala, pour faire c'est une khidba, dans le Coran c'est venu khidba, c'est pas venu muqabala, dans les hadiths il n'y a pas muqabala, et dans les termes sont venus c'est khidba. J'avais demandé à Shabbat Jamel kazalik, il a dit on dit pas muqabala, muqabala ça a d'autres sens, c'est un sens de d'échange, alors que le khidba c'est le fait de voir la femme, c'est tout, tu la vois, tu la regardes si elle te plaît ou pas, et après l'échange tu l'as avec son wali. Si tu veux parler à quelqu'un, tu parles avec son wali, ça à la base. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Aïcha, radiallahu anha, où c'est marié directement, il est parlé avec les awliya, il n'a pas parlé avec les femmes directement en elle. Comme c'est le cas aujourd'hui où, tu vois, ça va bien plus loin que ça. Al-Asaf. C'est plus que Muqabala, c'est. A'udhu billah. Tayyib, donc on revient à Kitab. Donc la dernière fois, on avait dit qu'on n'avait pas terminé le fasl. Je ne me rappelle pas, donc là, baisse, même si on l'a déjà fait, ben. cubisme, enfin, peu importe. Donc là, le sens qu'on a pris en dernier, c'était le ta'alaq bi anwa' ibadat, des formes d'adoration. Donc on ne l'a pas fini, apparemment, on reste toujours dedans. Et tu dis qu'on s'était arrêté où ? Écoute, là, ben, on va le reprendre comme ça. En plus, comme le fait était absent, il va juste dire ce qu'on reprendrait. Je sais qu'on n'est pas du tawakkul, qu'on avait dit que c'était. Une condition de l'iman. Comme quand le Ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ça, je me rappelle très bien qu'on l'avait cité. Et on va reprendre deux à partir de wa amara ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu. C'est ça, je me rappelle pas qu'on l'a dit ça. Ouna. Je me rappelle pas avoir lu ça. On a dû s'arrêter là, je pense, à Estirfar. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمر عباده أن يقولوا إياك نعبد يعني في الفاتحة ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرض العبادة لله تعالى إلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها وهو معنى قوله فإياي فَعْبُدُونَ وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ. Donc Allah SWT nous a ordonné à ses serviteurs de dire إِيَّاكَ نَعْبُدُونَ dans la Fatiha, c'est-à-dire que dans le sens relatif à approcher, c'est toi que nous adorons. Et que personne ne peut dire cette parole-là si ce n'est une personne qui aura unifié Allah dans l'adoration. Hormis si c'est un menteur. Il le dit, mais il ment dans ce qu'il dit. Car le sens de إِيَّاكَ نَعْبُدُونَ, c'est le fait que on t'unifie dans l'adoration. C'est le même sens que la parole dans le sens où il dit, et c'est moi, Iyaya Farboudoun, c'est moi que vous devez adorer. Ou Iyaya Fatakoun, c'est moi que vous devez craindre. L'imam Warifa min ilm al-bayan, anna taqdi ma haqqahu al-ta'khir, yufidu al-hassam. Ay, la ta'budu ilallah, wa la ta'budu ghayrahu, wa la tattaku ilallah, wa la tattaku ghayrah, kama fi kishaf. Car elle est issue dans la science du Bayen, c'est-à-dire le Balara, la science du Balara, en langue arabe, que les choses qui à la base viennent dans les phrases en arabe, qui viennent après, qui sont avancées, comme le Hafjab, ou le Maf'oul, toutes les choses qui à la base viennent à la fin d'une phrase, et que tu mets en début d'une phrase, ça mène à quoi? Un sens de restriction, de limite à la chose. À la base, tu dis, Na'bouduk. Nous t'adorons. Aou. ايش ذكر من آية الرحمن نتقيك ونعبدك مثلا لا لو دومير الكاف نعبدك الكاف سي مفعول به c'est-à-dire on t'adore. À la base, مفعول به il vient après le verbe بعد الفعل والفاعل, il vient après. Quand tu le mets avant le fi'l, c'est qu'il a un sens de hasr, c'est-à-dire tu ne vises que ça. Sinon tu dis Akramtu Zaydan. Akramtu Zaydan. J'ai honoré Zayd. Voyez? Akramtu Zaydan. J'ai honoré Zayd. Si tu dis Zaydan Akramtu, c'est en fait, je n'ai honoré que Zayd. Quand tu as fait devancer, quand même, tu le mets devant, tu le devances. Donc dans les sciences de langue arabe, quand tu devances une chose qui va en dernière, tu l'avances dans la phrase. Ça signifie que il y a une restriction par rapport à cette chose-là. Donc quand tu dis « Iyaka na'budu », à la base, c'est tu dis « na'buduk ». Mais lorsque tu dis « na'buduk »,« hel hadha yanfi an ta'buda ghayra », là, quand tu dis, مثلاً, quelqu'un dit « moi j'adore Allah », on va dire « mashallah », c'est le matloum. Mais ta phrase-là, elle peut laisser entendre que tu adores autre que lui avec lui également. Quand tu dis « moi j'adore Allah », ça veut pas dire que tu n'adores pas autre chose que Allah, avec Allah. C'est pour ça que tu veux dire « je n'adore que Allah ». Ou tu dis « c'est Allah que j'adore ». Donc là, ça revient à quoi ?« Iyyaka na'budu ». C'est toi que nous adorons. Après, à partir de ce moment-là, toute chose en dehors d'Allah, l'adoration ne lui est plus attribuée. Elle est spécifiée à Allah. Hmm. Donc c'est ça le sens de ce kalam. Comme il dit dans Keshef, le Keshef, comme je l'ai expliqué, je crois que c'est le tafsir de Azumar Shari, qui était un Mu'tazili. قال فيفرض الله تعالى بالتوحيد العبارة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في شدائد في رخص رجع عنه سرجع عنه الفوت لا نعم سنجين ورجع لا يكون إلا لله وحده والاستعاثة والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله تعالى والنداء له والنحر له Donc il dit que le fait d'unifier Allah SWT par le tawhid de l'adoration, cela ne peut se faire que par que le dua ne soit que pour lui. Quand Akhazna, on a déjà pris dans la masala du dua, الدعاء لدو على قسمين عندنا دعاء العبادة ودعاء المسألة طيب دعاء de l'adoration et دعاء de la demande دعاء العبادة il n'est que pour Allah مطلقا تمام et là دعاء عبادة ça veut dire l'adoration en soi car toute adoration là-bas c'est un دعاء quand tu fais une adoration Tu invoques Allah. Tu fais la salat, tu invoques Allah. Tu fais le hajj, tu invoques Allah. Ta somme, tu attends d'Allah quelque chose. Pas même ? Wa du'a al-mas'ala, du'a de la demande, celui-là, il y a un tafsil. Tu as des demandes qui ne reviennent que à Allah. Et tu as des demandes qui peuvent être faites à la créature. À quelles conditions ? Qu'elles soient en mesure de l'accomplir. Ça, dans le salat, tout ça, ça a été, alhamdoulilah, ça a été pris à qui ? Donc là, Lui parle de dua, kulluhu lillah, dua l'ibadah, wa dua l'masala, la masala qui n'est que pour Allah. Ma yajouz en tusraf l'ighilillah ou illa fawa shirkun. Adha. Donc la masala de dua, faire attention, parce que les gens ne comprennent pas des fois. Même en dua, en arabe, ça veut dire inviter quelqu'un. Adou ka ilal bayt, ta taradda ma'i. Je t'invite à la maison pour que tu prennes le repas avec moi. Est-ce que quelqu'un va vous dire, t'as fait du shirk? Tu dis, oui, j'ai fait du shirk. C'est pas une adoration, j'ai invité mon sahib à venir manger chez moi. Ça, c'est du hamas Allah dans une chose qui n'est pas une ibadah. Fakat. Donc, différencier les choses. Pour ne pas que, comme on dit, les pinceaux s'en mêlent. Il dit, كذلك, wa nida fi shada'id wa raja la yakuna illa lillahi wahda. Donc, le nida dans les shada'id, le fait d'appeler lors de la difficulté, et al-raja, l'espoir. Et c'est le même tafsil. Appelé dans les shada'id, tu peux très bien appeler quelqu'un qui puisse t'aider. S'il est présent et en mesure de t'aider. Lors d'un combat, tu peux avoir besoin de renfort. On va dire, t'as fait du shirk. T'as pas fait du shirk. Ça rentre dans l'istirafa, kazadik. L'istirafa qui est la demande de secours. Et tu as al-raja, l'espoir. L'espoir, c'est le même tafsil. Il y a des choses que tu espères que seul Allah peut te donner. Et d'autres choses, tu peux espérer des gens. Par exemple, tu dis « Arjouk, ta'tini l'yom. » J'espère que tu vas venir aujourd'hui. Ce n'est pas du shirk. Alors tu dis « Arjou, an tutkhil jannah ala shirk. » J'espère que tu vas rentrer au jannah. Ça ne revient pas à toi. Ça revient que à Allah. Tu dis « Arjouk, an tarzoukani walada. » J'espère que tu vas me donner un enfant. Ça, c'est du shirk. Mathalan. C'est un rajat, un espoir de quelqu'un. Une chose qu'il ne peut pas faire. Donc, l'isti'afa, c'est la demande de secours lors de la difficulté. Isti'ana, c'est la demande d'aide. Recherche d'aide. On dira comme ça. Walluju ila Allah ta'ala, walnida lahu, walnahar lahu. Luju, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nida, on a dit, c'est le fait d'appeler, donc invoquer. Et nahar, c'est le zabh, le sacrifice. Un zabh, on le donne pour les animaux de petite taille, qui sont faciles à égorger. Un mouton, une chèvre, un veau, un âne sauvage, ou un âne sauvage, ou rayadalika. Ou un nahar, ça c'est pour les gros animaux sauvages, comme le chameau. Le chameau, tu ne pourras pas l'égorger. Tu ne pourras pas égorger un chameau. Alors vraiment, c'est que Arnouma Baalik, c'est quelqu'un de... On dit Nahar, c'est une autre façon de faire. C'est le même cause. Je crois que tu lui plantes un truc dans la bonne jugulaire, il se vide de son sang et il tombe. Ah ben, tu veux prendre un chameau, le mettre par terre et l'égorger, comme je dis aux gens, c'est lui qui va le mettre par terre. C'est le chameau qui va le mettre par terre. L'achèque. Le plus fort que toi. Donc là, bi rahmatillah, on a une façon de pouvoir sacrifier ces animaux-là sans s'exposer au danger de leur force. Donc tu fais un nahar. Même les chevaux, مثلاً, un cheval, tu ne pourras pas l'égorger. C'est nahar pareil. Les taureaux, les bœufs, je pense que c'est la même chose. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus s'il l'attache, s'il l'allonge, ou je ne me rappelle plus. C'est le moment. قال وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله. Donc toute forme d'adoration, tout ce qu'on appelle adoration, ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le fait, que ce soit le khudu', l'humilité, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on avait dit qu'adoration c'est quoi ? Wa ghayat al-khudu'. C'est l'extrême de l'humilité et du rabaissement. Quand tu adores, c'est que tu t'humilies devant la chose, tu te rabaisses devant elle. D'une façon, yani, tu te dévoues à elle totalement. Donc ça ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a expliqué. Il n'y a que lui qui mérite cela. Au recours, كذلك l'inclinaison sujud prosternation طيب sujud fa yasjudu rabbuka lil malaikati sujudu li adam fa sajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Que Allah a dit aux anges de se prosterner devant Adam. On a dit que sujud il est que pour Allah. Qui a la réponse à ce verset? Quelqu'un peut dire je me prosterne et c'est pas une adoration pour moi. On dit même si tu la fais pas. Quelqu'un peut dire je me prosterne et mon but c'est pas de faire une adoration. On le dira malgré tout tu ne le fais pas. On va pas du tout discuter là-dessus. Mais tu as déjà entendu la masala pour Adam. Tu as une partie de la réponse et en fait, comme tu l'as dit, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils obéissent à Allah, c'est pour ça non pour Adam. Et c'est un tashrif pour Adam. Pour montrer le haut statut de Adam, alayhi salam. Et c'était un test également pour sortir ce qui est dans l'Iblis. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Et Allah fera sortir ce que vous avez en vous. Ça veut dire que ce sujoud d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se procéder devant Adam, ça demande une obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, il a refusé. Iblis, il a refusé de le faire. Tamam? Tayyib, deuxième mas'ala. C'est surat Yusuf. Que ses parents, ce qu'ils ont trouvé, se sont prosternés devant lui. كيف هذا يعقوب سجد لي ولدي كان صلاة يوسف سي بوستاني سجود عبادة يعقوب سي رسول سي رسول دونك كما رسول va faire une chose qui à la base nous a été interdite مطلقا لا سي با سجود الشكر. Il n'a pas dit, non, ils se sont concernés pour Youssouf. Ce n'est pas pour Choukr. Il a été dit que dans leur sharia, ça devait être autorisé, probablement, en guise de salutation. Et que maintenant, pour nous, c'est interdit. Moutlaqan. Il y a des choses dans les sharia, Moutlaqadima, qui étaient autorisées, et qui pour nous, aujourd'hui, sont interdites. Ou le contraire, des choses qui leur étaient interdites, qui nous sont permises à nous. Ça a été dit comme ça. Yumin al-Aqwal. Ça se trouve, il y a d'autres Aqwal, je ne les ai plus en tête, mais parmi elles, que c'était une forme de salutation, de révérence, comme on dira, qu'il se faisait. Qal. Taïb. Souma, il dit également le tawaf, les circuits. Les circuits autour de la Kaaba. Ils appellent ça la circumambulation, je crois. Circuit rituel autour de la Kaaba. Ça, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que les gens font autour des kubur. Tajarrud min al-thiyab. C'est là, ils visent par là le fait de porter des vêtements qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de couture comme pendant le Hajj. Dans l'ihram. Tu vois des vêtements qui ne sont pas cousus. C'est ça qu'il veut dire. Ou al-harq, c'est le fait de se raser la tête. Et taqsir kazalik, le fait de raccourcir les cheveux. En dehors de cela, c'est permis de se raser la tête. Et de se couper les cheveux. Là, il dit, c'est qu'il y a ibadah pendant le hajj. Tu ne le fais pas pour autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala quand tu mets niyyah de ibadah. Après, il y a des aqsam. Cheikh al-Islam, il a fait un tafsir par rapport au fait de se raser la tête. Mais ça, c'est un autre mas'ala. قال ومن فعل ذلك لمخلوق من حي او ميت او جماد او غيره فقد اشرك في العباده وصار من تفوعل له هذا عادي الامور الها لعابديه سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبر او جنيه او حيا او ميتا celui qui fait cela pour une créature parmi les vivants ou les morts ou des objets inanimés ou autres il aura certes associé à Allah dans l'adoration. Et celui pour qui il aura accompli cette adoration deviendra pour lui ilah, une divinité. Même s'il dit non, c'est pas une divinité pour moi, c'est juste un intermédiaire, on dit non, c'est une divinité. Ses actes sont accomplis pour el-ilah. El-ilah ou Allah. Donc ce que tu fais là, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré comme étant une divinité pour toi. Car c'est une adoration que tu es en train de faire. Maintenant, ils vont dire, j'invoque un mort. Je ne l'adore pas, juste je l'appelle. Et bien, cette invocation, c'est une adoration. Il dit, moi, je ne crois pas que c'est une adoration. Allah dit que c'est une adoration. Si Allah l'a dit, il n'y a pas à discuter. Le dua, c'est une adoration. Le dua ou l'ibada. Comme on dit dans le hadith, c'est normal, Norman ibn Bashir. Le dua ou l'ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Quelqu'un dit, non, moi, c'est pas une adoration. Alors, tu es en train de démontrer le Coran. Donc ça fait du kouf sur du kouf. Après avoir fait du kouf, du shirk dans l'ibada, tu démontes le Coran maintenant. Allah dit que dans le Coran, c'est une ibada. Soit il arrête, il fait tawba, il reconnaît, ou soit il persiste, et là, voilà. قال وسار بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق وإن أقره بالله وعبده فإن طيب. Donc il dit en faisant cela. Par n'importe quelle adoration, parmi ces genres d'adoration, il y en a d'autres, il y en a plein. Là, on a cité certaines seulement. Il dit, si Ami fait cela, il deviendra alors adorateur de la créature. Celle pour qui il aura fait cela. Même s'il reconnaît Allah et qu'il l'adore. Il adore Allah, mais il aura adoré autre que lui, avec lui. Si ce n'est peut-être plus que lui, ou moins que lui, comme cela va venir, même si c'est une chose minime qu'il a fait, on appelle ça shirk. Et pas shirk asra. Pas forcément. Ça peut être du akbar, même sur une chose que lui voit comme étant petite. Par exemple, il est comme dans le hadith qui est venu, même s'il n'est pas sahabit, d'avoir sacrifié une mouche. Qu'est-ce qu'une mouche ? Il n'y a rien, une mouche. Pourtant, dans le hadith, celui qui a fait cela, comme dans le kitab Touhid, ça va venir, le hadith mayazbout, la kinilhaq sawal. Tu ne regardes pas que ce soit une fourmi ou que ce soit un éléphant. C'est pareil. C'est pas la taille. C'est la niyya qui compte. Innamal a'mal bin niyyat. Rappelez-nous, on a pris ça dans le truc. Innamal a'mal bin niyyat. D'une part. Et même s'il dit, moi, j'ai pas la niyya de faire une ibadah, on dit, ben, le dhabh, ou le nahr, c'est une ibadah. Comme dans le dua. Donc, soit tu l'acceptes, quand même, ou soit tu fais tawba, l'un ou l'autre. Donc, on ne regarde pas la taille de la chose. On regarde l'acte en lui-même. Même s'il nous paraît petit à nos yeux, fa'inda Allahi azim. فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سكف دمائهم وصبا ذراريهم وذراريهم ونهب أموالهم فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ولا يؤمن به من عبد غيره معه. Donc le fait que les mouchrikoun ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont voulu se rapprocher de lui, ce qu'ils ont fait c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour eux, c'est leur but, c'est de faire du bien, ceux-là ne le sortent pas du shirk. Et que leur sang est licite. Ils doivent être abattus, bien sûr, avec les chouroutes, si on a un gouverneur, que tout est en place, et qu'il y a un jihad talab, jihad de conquête, d'attaque. Vous voyez, à ce moment-là, leur sang, soit ils se soumettent, soit ils sont exécutés, combattus. Et que leurs enfants sont pris en esclavage ainsi que leurs femmes, et que leurs biens nous sont licites. On prend leurs biens en tant que butin de guerre. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus riche des associés du shirk. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du shirk. Il est le plus riche de tout cela. Et qu'il n'accepte aucune œuvre dans laquelle on lui aura associé, autre que lui. Et celui qui aura fait cela, ne croit pas en Allah, quoi qu'il dise. Tamam. Celui qui a adoré autre que Allah avec lui, même sans lui, ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu dis, moi je crois en Allah, j'adore que Allah, et ce que je fais c'est pas un ibadah, on dit c'est un ibadah, est-ce que tu fais? Tu sors de l'iman. Tu n'es plus un mu'min. Tu es un mushrik kafir. Donc là c'était la fin de le fasl d'aujourd'hui qui était anwa' al-ibada. Donc là, il a fait un tafsil, il parlait plus de ce qui concerne les adorations, quelles sont-elles, et quelle que soit l'adoration que tu fasses pour autre que Allah, c'est le shirk. Même tu dis, moi je fais cela pour me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la voie que tu as empruntée, elle n'est pas bonne. Et l'asf al-ibada, al-tahrim. Il n'y a pas de place pour le shihad. Et, inshallah, fi dars al-qadim, nadkhul fi al-fasl al-ati, wa huwa anna. لماذا لا تنفع عبادة المشركين؟ واسك لزادوراسون المشركين لنرون سعبية عين دوتو. لديكم سؤال؟ لا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.